pour certains, la conspiration se trouve partout. Oh, oh, oh! Aujourd'hui, le lundi 17 août 2020, monte le volume et hume la différence. Car c'est parti, mon kiki. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Renal. Oui. C'est bien vous, Renal. Oui, c'est moi, mais c'est Renal. Renal, peu importe. Je suis content de vous rencontrer en personne, Monsieur Renal. Comment ça? Mais vous savez ce qu'on vit actuellement? Ce qu'on vit là? Ben oui, maintenant, là. Ben, c'est Errance Rénadienne. Non, pas trois fois pas d'émission, Monsieur Renal. L'affaire planétaire, ben oui. Ah, oh, les extraterrestres. Pas les extraterrestres. Lâchez-vous. Comment ça, vous êtes toujours branchés ces extras, vous? Ben, on sait jamais, on peut gagner avec des extras. Pas de... En plus, dans un, hein, quand tu commandes un mets, tu demandes un extra de ce que t'aimes le plus. J'ai rien contre les extras. Ah, oh, c'est pas fou. Vous avez l'air fou, mais c'est pas fou. Merci. Sur les Champs-Élysées, à 2h du matin, j'ai fumé un gros joint, puis je me suis écrasé. Paris, c'est rock'n'roll, ça ressemble pas à de gaulle. Paris, c'est comme New York, ça swing et puis ça rate. Paris, rock'n'roll, New York, rock. On s'est fait m'arrêter, à me mettre sur mes pieds, j'ai demandé ce qu'elle faisait. Ça ressemble pas à de gaulle. Paris, c'est comme New York. Ça soignait puis ça rate. Paris, rock'n'roll, New York, rock. Alors, tu dans son salon, j'ai vu le système de son. Quand t'as fait jouer, je l'ai, j'ai fait rouler un autre joint. Paris, c'est rock'n'roll. Ça ressemble pas à de gaulle. Paris, c'est comme New York. Ça soignait puis ça rate. Paris, rock and roll in New York, rock. Quand t'as fait jouer, j'y vais, j'ai bu du Beaujolais. Quand t'as mis beau parler, j'ai poigné un bouclet. Paris, c'est rock and roll, ça ressemble pas à de gaulle. Paris, c'est comme New York, ça soignait puis ça rend. Paris, rock and roll in New York, rock. j'aimerais que tu parles de ça à ton émission. Quoi, des extras? Ben, non, mais non. Moi, je m'en fous un peu de tes extras. Ben, voyons donc, vous. Quand vous mangez votre poutine, vous aimez le fromage, demandez un extra, parce que vous en foutez. J'en mange pas de poutine, moi. Je mange pas de poutine parce que j'ai su qu'ils mettaient dans la sauce des écouteurs, puis des micros. Des écouteurs pour... Ben, pour qu'on puisse entendre tout ce qui se passe dans mon ventre. Ben oui, mais monsieur, je tiens à vous dire que lorsqu'on met ce dispositif-là, c'est pas pour capter, c'est pour diffuser. Non, mais moi, je suis pas un gars de radio, hein, Ronald. J'aime bien, là, j'applaudis chez moi, là. J'ai un beau 2,5. Ah, hein. Oh, il est beau. J'ai un petit chaton. Il est un peu énervé, vous savez, les petits chatons. Là, ça fait rouin, mais ça court partout, hein. Partout. Et puis à gauche, à droite. Plutôt à gauche qu'à droite. Puis ils sont tellement rigolos. Mais à 2h du matin, quand ça se met à courir... Oui, c'est ça votre grand trouble. Non. Ah non, mon trouble... Je vais vous... Avez-vous 2 secondes? J'ai 2 minutes. Ah! On dirait que je la connais, celle-là. Oh, ben oui. As-tu 2 minutes? As-tu 2 secondes? Ah oui! Ça a été repris par Smith Monk. Qui? Smith-Mick-Mock. C'est Stevie Shock. Ah, c'est la même chose. OK. Alors donc, il m'arrive avec ça, puis il me dit... Ronald! Oui, c'est moi. Hein, c'est encore moi. Ah, vous avez pas changé de prénom? Ah, bien, ça coûte cher, hein, changer de prénom. Je crois que c'est 750-800$. Puis, Ronald, j'aime bien ça. Non, c'est Ronald. OK, bien, Ronald, j'aime bien ça. Ah, vous appelez Ronald? Non, c'est Ronald. Pourquoi vous avez dit Ronald? Bien, pour pas... Je veux pas non plus, là... Je vous sens angoissé. Et si je vous contredis, ça risque d'être plus difficile pour vous. Difficile. Ben, plus compliqué. Compliqué. Comprenez-vous? Non, ben c'est ça. C'est difficile et compliqué. Mais là, mon cher monsieur, je vous écoute. Ronald. Oui, c'est moi. Vous faites une émission à C'est quoi RL? Oui. Laquelle? Quelle radio? C'est quoi RL? Comment vous écrivez ça? Ben, c'est QRL, c'est QRL, c'est QRL. Et puis donc, ben, c'est, coco, RRRL, c'est QRL. Ah, c'est ça. Quelle fréquence? Ah, moi, j'écoute ça une fois par semaine quand c'est votre émission, Ronald. Ben, non, mais il y a d'autres. Hey! Il faut syntoniser ces QRL à tous les moments. C'est la radio de Québec. Ah, mon, hey, vous êtes bon, hein? Moi, je vous emploierais, là. Comment ça coûte pour faire une publicité chez vous? Ça dépend. C'est pourquoi? Ben, c'est... Non, mais moi, c'est pour rien, là. Mais Gertrude, elle fait de la sauce à spaghetti, hein? Mais c'est tellement bon. Puis j'aimerais ça qu'elle publicise. Ben, écoutez, elle a juste appelé à CKRL, puis il y a des gens qui vont l'écouter. Ah, mon Dieu! Quel est le numéro? Ben, de un, êtes-vous membre? Je suis membre du numéro de téléphone, oui, mais en fait, moi, c'est pas un téléphone fixe, hein. Ah non, parce que j'en ai eu un, hein, puis s'en allait, il se sauvait partout. Puis ça me dérange, hein, surtout la nuit, là, c'est comme mes chats. Ben, en fait, j'ai un chat, ben, j'avais une vieille chatte. Je vais vous raconter du début, j'avais une vieille chatte. Tu sais, comme Plume, là, j'ai perdu ma chèvre, mais moi, j'avais perdu ma chatte. Ben, elle était partie avec ma copine, mais elle est revenue. Pas ma copine, mais ma chatte. T'es bien content parce que ça me rappelle ma douce amie. Bon. On vit des moments difficiles actuellement. Ben là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez perdu à la loterie? Oh, on prend pas de loterie, moi. La chance, j'y crois pas. Ah, ben, on a un point en commun. Je sais, Monsieur Grenier. Ronald Grenier. Ouais, on va dire. On va dire. Ah, vous appelez, on va dire. Pour cette improvisation-là, on va dire oui. On en dit-tu des affaires en disant rien? Ben oui, mais c'est le but de la manœuvre. Ah. Mais moi, je joue pas à des sports. Moi, le but, J'aime bien ça entendre, là. Le commentateur, c'est ça qu'on... Hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, le commentateur. Oui, celui qui argumente, qui parle, qui rajoute son grain de sel pendant une partie de hockey ou de baseball ou de football ou n'importe quel sport. Effectivement, monsieur. Et là, je suis en train de paver dans mon micro, c'est pour moi. Est-ce que je peux prendre des chocs électriques, Raymond? Au 6e degré? Ah, mon Dieu. Est-ce que je peux atteindre le 7e ciel avec le 6e degré? OK, parfait. Ah, moi, j'aime ça de même. Et puis, je tiens à dire aux auditeurs que la semaine dernière, c'était pas une très bonne émission. Non, mais faut être quand même critique vis-à-vis de ce que l'on fait. Mais ça vient de moi, là. Bon. Alors, je vais tout rembourser. Je vais rembourser tous les auditeurs qui m'ont écouté. Ah, comment ils ont payé? Ils n'ont pas payé. Alors, tu rembourses comment? Bien, par des excuses. Hein? C'est pas monétaire, moi. C'est juste humaniste et c'est confidentiel. Je m'excuse infiniment. C'était, pour moi, là, la normalité. Un 5,5 sur 10. Je me donne plus que la moyenne parce que ça m'a fait rire, hein? Ah, ça m'a fait rire de me trouver aussi ridicule, mais le but de l'émission, c'est ça. Mais quand il n'y a pas comme cette effervescence intellectuelle, effervescence, on n'est pas toujours, là, tu sais, mais on est là, oui, on est ici maintenant. Hein? Est-ce que vous vous souvenez de votre phrase lors d'un examen en philosophie à l'université? Être au monde, c'est être toujours déjà là. Avez-vous explicité un peu cette phrase-là qui demande quand même une réflexion et surtout un abandon de soi pour tout saisir l'affinité de cette citation qui semble un peu fofolle? Mais là, c'est pas mon cas. Là. J'ai perdu la voix de mon personnage qui est ben, qui a un trouble de personnalité multiple. C'est qui ça? C'est moi, ça! Personnalité multiple? Plus qu'un, là? Deux? Est-ce que ça commence à deux, la multiplicité? On ne sait pas, là. Faudrait que j'appelle un tsi. Tout le monde parle. Non, j'ai pas aucune. J'adore. J'ai rien contre. Rien au contraire. je trouve qu'ils nous font réfléchir sur nous-mêmes et sur la société. Quoique sur la société, c'est plutôt les sociologues. Mais sur l'individu, c'est le psychologue. Puis petit à petit, le psychologue fait son nid. Les économies enchaînent la frénésie. Jeu de société. C'est quoi, non? Tourbillonné. En tout cas, c'était un extrait de Alain Bachung. What's in the bird? Poulez-vous sur la tête, reconnais que je suis volage. What's in the bird? Qu'est-ce qu'il dit là, lui? On comprend rien. Qu'est-ce qui se passe, là? Mais c'est mon personnage qui me dérange. On va le rappeler. OK. Comment tu fais pour l'appeler? Non, on va le rappeler. OK, mais comment on fait pour le rappeler? Ben, laisse-moi faire. Tout va bien se passer. Nous sommes des professionnels. Faites pas ça à la maison. Alors, appelons le personnage du début. Ouais, mais on dirait que t'appelles en Europe. Mais non. Ouais, mais ça fait ça en Europe. Ça fait pas... Écoute bien, là. On appelle ou on peut appeler, là. Ah, tu vois, il a décroché, ça fait... Hey, t'es vraiment un bon mime. Ah, moi, je suis un mime Marceau. Mais un mime Marceau qui peut pas s'arrêter de parler. Ah, bon, d'où s'arrêter, c'est se freiner, c'est mourir. Et puis, avez-vous pris ça en note, madame, là? Pour votre... Exactement, pour votre doctorat en philosophie à l'université... D'Oxford! Comment t'appelles ça? Westworld? En tout cas, la plus grosse université au monde. Reconnue. Alors, l'université la plus reconnue, c'est celle qui est à Pékin. L'université de Kunsting! Je me prends pour un autre! Je prends mon élan, je me donne en spectacle, je vis en attendant. Je griche mes poèmes, je me remets du make-up, je m'amuse avec vous autres, dans le pick-up. Je me bats pour les mots, je travaille sa slide. Je parle dans le vide, je me tiens sur le stand-by. La voix, je vois les gens, faut l'entendre avant que je sois content. The highway, je vois serpent, faut le prendre pendant qu'il est encore temps. Je vois les gens, faut l'entendre avant que ce soit trop tard. The highway, je vois serpent, faut le prendre pendant qu'il est encore temps. Des costumes, des maniaques sexuels. Je me tiens encore au Morrison Hotel. Y'en a qui crèvent en arrière des barreaux. Moi, je fais du temps en arrière du micro. semaine de show. Je vous paye un trip, je me vends dans le gros. Quand j'arrive plus rien à faire, je vais me laisser faire. Quand j'arrive plus rien à écrire, je vais jeter mes cahiers. Quand j'arrive plus rien à dire, je vais me mettre à chanter. Si je manque mon coup, je passe à côté. Je vais me pendre avec une ceinture fléchée. Oh écho, oh, écho. Bonjour. Bonjour. Jerry. Hey Jerry, et cette manette, penses-tu que ils vont comprendre le message, dis-tu? Belle lurette, t'es une personne respectable. Merci beaucoup. Tu t'en rappelles-tu? Avec tes pantalons stretchés pis tes bottes Kozak. Tu t'en souviens-tu? Quand t'étais avec moi, on shootait du smack. Si tu savais comment je m'ennuie sur mon bicycle, tu reviendrais, ma petite Suzy, rien que pour le kick. As-tu déjà eu ça, un hamster? Non. Moi, j'ai eu un poisson rouge, je l'ai placé dans une cage d'hamster. Y a-tu vécu longtemps? Ah, mon Dieu, il était tellement content, il frétillait. Je dis, arrête pas ça, toi! Tu fais passer à Jacqueline, quand je l'ai marié, elle frétillait. Mais lui, il a eu une crise cardiaque. Comment ça? Mais il est mort. Il a tué une autopsie? Ah, ça coûte cher. Mon poisson rouge m'a coûté 15 cents à l'époque, en 1986. L'autopsie, 400$! Fait que moi, j'ai comme joué les avocats, et puis j'ai jugé, tu sais, j'ai monté un dossier, puis selon moi, il est mort d'une crise cardiaque, là. Mais non, mais est-ce qu'il serait mort, selon toi, du fait qu'il n'était pas dans l'eau? Il n'était pas dans l'eau. Non, mais si tu l'as mis dans une cage... Dans une cage. Ah oui, il était dans une cage d'hamster. Ouais, mais un poisson, ça va dans l'eau. Ah oui, mais ça va aussi dans une cage. Mais oui, on dort, toi, depuis quand? Mais depuis que j'ai décidé, il faut arrêter d'écouter la société qui dit « Ah, ça va là, ça va pas là, tu vas là, tu vas pas là. » Faut juger soi-même de ce qui est bon et ce qui est pas bon. Puis là, toi, t'as jugé que ton poisson rouge serait plus heureux dans une cage d'hamster. Ben oui, mais les animaux, c'est des animaux. L'eau, le froid, la terre, ça les dérange pas. Ce qu'ils veulent, c'est d'être heureux. Ouais, mais... Parce que le problème, c'est qu'un poisson, là, ça a des nageoires. Ça n'a pas des poumons comme nous, là. Comment ça, ça n'a pas des poumons? Ça vit, ça a des poumons. Ah, voilà, là. Écoute, je peux pas rentrer là-dedans. Moi, je suis pas un vétérinaire, moi. Vu, hein, je me suis arrêté en disant vétérinaire, c'est. Est-ce que c'est le bon. Ouais, c'est le bon lexique? Ceux qui s'intéressent aux animaux, qui les soignent, qui les aiment, qui les embrassent. Et moi, j'ai connu une vétérinaire là, qui était tout le temps là. Ah, bonjour, monsieur, bonjour. Ah, les beaux petits. Ah, les embrasser, monsieur. Puis là, quand je le reprenais, moi, j'avais un petit caniche blanc. Un petit caniche teinté. Là. Ah, il était. Bon, ben, il est mort il y a pas longtemps, là. Il était trop teinté. Ah, ben oui, il y avait du mercure. Mangez du poisson, hein? Avez-vous suivi? C'est pas pire, hein? C'est pas n'importe quoi, là! Bon, OK. Alors, on y va avec... tu peux annoncer ton invité. Les gens n'ont pas quitté. Ben, voyons donc, comment ça, ils quitteraient? Comment ça, tu veux t'en aller, rebrousser chemin devant un repas si séduisant? Hey, vous avez raison, monsieur, vous avez raison. Vous êtes monsieur. Je suis monsieur. OK, monsieur. Monsieur X! Ah, mon doux. Êtes-vous le mari de Madame X? Oh! Exactement! Vous nous avez entendu? Non, mais j'ai vu Madame X. Ah, mais, hein, pas pire, hein? Pas pire dans le sens de... Ah, extraordinaire! Oui, oui, très extraordinaire. Aujourd'hui, on va pas aller plus loin. On peut y aller, Madame X. Oui, oh, oui, elle a fait des films. Elle s'est occupée de maisons qui étaient un peu en éclosion. Oui, on peut dire ça comme ça. Aujourd'hui, le lundi 17 août 2020, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Les sons sur la chaussée, ah, les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au sous-boulot, et au ciboulot. Ciboulot. Ah. Êtes-vous sûr? Ben oui. Après 5, c'est 6. Ah, vous avez raison. Aujourd'hui, là, on va recommencer si vous avez, ça vous dérange pas. Un tantinet. Un tantinet, mais pour vous, j'ai un respect irraisonné puis irraisonnable. Donc, allez-y, monsieur. On va vous dégouner. C'est bon. OK, parfait. Alors, aujourd'hui, le lundi 17 août 2020, l'errance. Vous êtes presque étouffé hein, au 17 août. Oui, je sais, mais personne ne l'a remarqué à part vous. Alors, je recommence pas. Soyez pas violent, je suis pas violent, mais laissez-moi parler. Laissez-moi encore parler, laissez-moi encore chercher. Laissez-moi encore chercher. Aujourd'hui, le 17 août 2020, les errances rénaldiennes, je sais pas. Ouais, je sais, c'est bien explosif. Présente plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de l'auteur, compositrice et interprète Benj Bail. Benj Bail est une femme extraordinaire, une troubadour de la musique. Je l'adore, je vous la présente. Elle est toute timide, elle est rafraîchissante, elle est sublime, elle est intense, elle est humaniste. Alors voici, à partir de maintenant, mais ce ne sera pas uniquement de la musique de Benj Bail, puisqu'elle commence dans le milieu, dans le métier. À travers tout ça, ce sera un amalgame de sonorités qui épousera ses propos. Alors, place à l'artiste maintenant. Bonne émission. Je suis venu te dire qu'il n'y a pas beaucoup d'avenir, qu'un petit futur, tout petit futur, dans ce vrai désert. Je suis venu te dire qu'on a plein de choses à se dire, tout autant à faire, cet hélicoptère, moi il me fait pas peur. Je suis venu te dire un décor en hauteur et haut en couleur, c'est fou ce qu'il m'attire, ce grand ascenseur. Je suis venu t'offrir un ticket pour ailleurs, ce billet de retour, c'est pour tout à l'heure. Je veux reprendre place là où l'on s'était caché, tout là-haut dans l'espace, n'est-ce pas? On s'était allongé. Et je veux reprendre ma place là où je l'avais laissé, là où l'on s'était caché. Ce matin j'ai vu l'avenir, il nous fait un sourire, m'a chargé de dire qu'il fallait revenir, qu'on devrait revenir. J'aimerais réinscrire sur la carte du ciel ton joli sourire, plus haut que Babel. Je veux reprendre place là où l'on s'était caché, tout là-haut dans l'espace, n'est-ce pas? On s'était allongé. Et je veux prendre ma place, là où je l'avais laissée, là où l'on s'était caché, là où l'on s'était fâché. Je suis venu te dire, non pas que je m'en vais, ni que tu m'en as trop fait, ni que je suis au regret, ni que je suis au regret. Je suis venu tenir mon discours sur l'amour. Il fait plus mon affaire, ce petit détour. Je veux reprendre place là où l'on s'était caché, tout là-haut dans l'espace, n'est-ce pas? On s'était allongé. Et je veux reprendre ma place là où je l'avais laissé, là où l'on s'était caché. Allô? Hey, j'allais t'appeler. Je suis là. Ben là, je veux que tu me prononces ton nom parce que je vais le massacrer. Bench Bale. Bench Bale, OK. Salut, Bench. Enchanté. Bench. Ça va? Ça va? Très bien, toi? Ben, ça va. Excellent. Super bien. Parfait, ça. Super. Super. Fait un peu chaud, bon, mais... as-tu amené des vêtements pour te changer? Ben, ou quoi? C'est ça, tu vois, c'était la rigueur québécoise. Je me suis dit, tiens, on va prendre le manteau, le truc. Ah, ben voyons donc. Non, j'amène pas l'hiver ici, ne t'en fais pas. Je l'ai laissé au Québec. Non, mais moi, ça me gêne pas. Alors, écoute, tiens, ça, c'est pour toi. Oh, oui. Attention, non, c'est pas ça. OK, c'est ouais, pas c'est moi. Ça, j'allais dire, voyons donc. Voyons donc. Merci, voyons donc. Alors, attention, oh, mets ça à l'ombre. Merci. Ça fond. Est-ce que c'est toi qui les fabrique, non? Non, non, non, non. Hey, merci, c'est gentil. C'est un chocolatier artisanal de Paris. OK. Voilà. À quel endroit? Quartier, qui est dans mon quartier. OK. Côté des buts de Chaumont. Ah oui, oui, oui. Voilà. Hop, moi je suis là. Voilà. OK. J'ai pris ça, là. Bon. Hey, merci, je goûterai ça, mais pas le soir, parce que ça va m'empêcher de dormir. Ah bon? Ben oui, le chocolat, oui, je suis très... Oui, ouais, alors moi, je peux en manger à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, ça me gêne pas. Et ça t'empêche pas de dormir? Ah non? Parce que moi, un en amène un autre, hein, puis je vais vider le sac. faut faire attention. Bon, je vais ranger ça là. Ben merci, en tout cas. En ben fait, ça, c'est Emmanuel Cadoré que tu avais... interviewé, que je connaissais bien, que je connais bien. Ben, entre autres, il y a plein de personnes qu'on a en commun, des amis que l'on a en commun, mais ça en fait partie, oui, effectivement. Oui, voilà, c'est ça. Mais... Moi, c'est comme ça que je me suis mis en contact, en fait, avec toi. C'est comme ça que j'ai... Emmanuel, j'ai suivi ce que tu faisais. Oh, ben, tu as suivi mon parcours. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Bonjour. Très bien, toi? Oui, super. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous prendre un diabolomante, tout simple. Oui. Moi, je vais vous prendre un coca. Merci. Donc, oui, mais moi, j'ai vu ce que tu faisais, mais je t'avais demandé il y a quelques années de me rencontrer, mais je crois que ça ne s'était pas rendu sur ton Facebook. Ou... Ah bon? Mais ah, tu sais que quand on est amis, ça fonctionne bien, mais c'est quand on n'est pas amis, on dirait que ça s'en va dans une autre filière. Ah ouais, j'ai jamais reçu ça. Hein? Oui, il y a 3 ans. Alors après, il y a 3 ans, je t'avoue, je n'étais peut-être pas encore... À la fine pointe. Voilà, c'est ça. Très belle expression, à la fine pointe. Et là, je commence vraiment, j'ai fait comme Emmanuel, hein, je suis passée par la Manu Chanson, là, je suis passée par chez Cabrel, voilà, et donc voilà, il faut que le projet mûrisse, quoi. Un artiste, malheureusement, il n'arrive pas tel qu'il est au niveau médiatique, en haut de l'affiche, sans avoir mûri. Mm-hmm. Mûri son projet, mûri lui-même, en fait, tout simplement, parce que c'est à la fois une maturation... professionnel, mais c'est aussi une maturation personnelle. Et donc, moi, il y a 3 ans, probablement quand tu m'as contacté, après, je t'avoue que j'ai pas eu ton message, je t'aurais probablement répondu, mais moi, il m'a fallu là tout ce temps pour accepter le fait d'être une artiste. Okay. C'est ça qui est compliqué. Mais qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu as décidé de tomber sur ce nom-là pour Bench Bale? Bench Bale. Quelle est l'histoire? Et qu'est-ce que veut dire Bench Bale? Ouais, alors Ben, c'est la contraction de mon prénom qui est Bénédicte. Et Bale, c'est une ville au Liban qu'on connaît mieux sous son nom grec qui s'appelle Byblos et qui en arabe se dit Bale. Et donc, comme j'ai des origines libanaises, j'ai voulu faire le pont entre l'Orient et l'Occident. Mais c'est beau, Bench Bale. Et donc, je me suis fait... mais ça fait très longtemps. J'avais 13 ans quand je l'ai créé, ce nom de scène. Donc, il m'accompagne depuis très longtemps, en fait. Mais là, on va commencer avec la genèse. D'où viens-tu? Où es-tu née? Alors, moi, je suis née à Beyrouth. Mm-hmm. Où exactement, je ne sais pas. Dans quelle famille, je ne sais pas, puisque j'ai été abandonnée à ma naissance. OK. Et à l'âge de 2 mois et demi, un couple de Français originaire de Nantes m'a adoptée. C'est généreux. Ouais, c'est beau. C'est très beau. Et puis, ils n'ont jamais cassé mes origines et mon histoire personnelle. Ils n'ont jamais non plus caché. Ah, ils n'ont pas caché mon adoption. Ils n'ont pas caché que je venais du Liban. Rien du tout, si tu veux. Et donc, c'est bien. Tu peux poser ta guitare ou ça? Je vais la mettre comme ça, t'inquiète. Okay. Et donc, d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que mon nom de scène fait le lien entre l'Orient et l'Occident. C'est que de toute façon, eux-mêmes ont assumé ce choix, cette adoption, si tu veux. Et donc, c'est vrai que c'est un... Voilà, donc je suis née au Liban. Pendant un petit moment, j'ai dû prendre du recul par rapport à toute cette histoire parce que ça m'a beaucoup bouffé et je pense que c'est justement ce qui a fait... Mais ça t'a bouffé, ça t'a rongé? Ça m'a rongé parce que ne pas savoir d'où je venais exactement, c'était compliqué. Et puis j'ai mis beaucoup de temps avant de pouvoir retourner au Liban parce que le Liban était en guerre. Donc quand j'en ai ressenti le besoin, j'avais environ 13 ans. Et c'était vraiment en pleine guerre. Mes parents m'ont dit « ce n'est pas possible, tu ne peux pas y aller ». Donc il m'a fallu 10 ans encore pour y retourner. Donc je n'avais que 23 ans quand j'y suis retournée. Et j'ai envie de dire que ma vraie vie, elle a commencé à ce moment-là. Ok. La renaissance. La renaissance. Et donc dans ces cas-là, si tu veux, il y a tout à... D'abord, il faut assumer son histoire, cette relation avec ce pays qui pour moi est extrêmement forte et viscérale. Et c'est vrai que j'ai toujours eu envie de faire de la musique, c'était ça que je voulais faire, mais il était très compliqué pour moi à la fois de me battre pour devenir une artiste et en même temps de me battre pour être plus pleine de mes origines et de pouvoir les assumer. Donc il y avait un double combat et la musique est passée à la trappe et c'est venu c'est revenu évidemment parce que ça ne nous abandonne jamais. Est-ce qu'on peut dire que c'est la musique qui t'a sauvé un peu? Ah ouais. Moi, clairement, sans la musique, d'abord, je ne serais plus là. Et Michel Berger en particulier, voilà, clairement. Mais tu dis que tu ne serais plus là parce que tu étais suicidaire ou... Oui, je pense que sans la musique, oui, la raison de vivre... Puis Michel Berger, tu m'as dit? Ouais. Pourquoi c'est... Michel Berger? Parce que quand il écrivait une chanson, j'avais l'impression qu'il me parlait. OK. À partir de quelle année, Michel Berger? Parce qu'il a fait beaucoup de disques quand même, là, des années 80. Moi, je pense que c'est l'album Babacar qui m'a extrêmement marqué avec France Gall. Okay, et ouais. Après, en fait, j'étais vraiment fan de France Gall. Et il est arrivé un moment où j'ai commencé à jouer de la guitare, où j'ai acheté les partitions et j'ai vu « Ah! Qui écrit ?» Michel Berger. Michel Berger. Et là, ouais. Je suis tombée dans Michel Berger et je suis devenue vraiment... complètement accro à son univers, à sa sensibilité, à tout ce qu'il pouvait écrire. Pour moi, c'était un philosophe dans la manière de voir la vie. De voir la vie et même son écriture de chansons. Voilà, il disait la vérité relativement de manière directe. Pas tant que ça d'image. Vas-y, résiste, prouve que tu existes. Enfin, je veux dire, c'est direct. Ah, il n'y a pas, y a pas de. Oui, mais voilà. Mais est-ce que tu préfères Michel Berger solo ou avec France Gall? Moi, je trouve que chacun des deux univers qu'il a créé, ce qui est assez exceptionnel d'ailleurs, je trouve, ce qu'ont réussi à faire Souchon et Woolsey aussi d'ailleurs, c'est que les deux univers me plaisent. Souchon-Woolsey aussi que tu... Ah, ben Souchon-Woolsey, Véronique Sanson, Patrick Bruel... Mais Véronique Sanson, Michel Berger... Hein, oui, voilà. Oui, ben évidemment, ouais. Je veux dire, moi je viens de là au départ. Maintenant, okay. je tourne un peu vers autre chose. C'est de la pop française. C'est de la pop française, c'est... Ça nous parle, quoi. Et c'est ça que tu veux, de ton côté... proposer aux auditeurs et aux auditrices, aux spectateurs? Pas du tout. Ah non, OK. En fait, justement, c'est ce que je te disais, la maturation artistique, elle est en train de venir. Okay. Et plus ça va, plus je vais vers le blues. Les racines? Ouais, le blues, voilà. Voilà, tout à fait. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui me correspond. Ah ouais. Et il semble qu'en plus, le public le ressente, donc C'est la trance aussi, le blues. C'est... Ouais, c'est ça, ouais. C'est tout. C'est terrien, c'est viscéral, ça sent la sueur, les champs de coton et ça sent la fumée de cigarette profonde. Parce que les bars à l'époque, hein, quand on allait voir du blues, c'était dans un sous-sol, on devait descendre des marches, on ouvrait la porte, la fumée, et tu voyais le bassiste et le guitariste qui étaient là et qui jouaient. Notamment, c'était, règle générale, c'était des noirs. Oui, c'est ça. Et ça a donné une couleur, ça a libéré beaucoup de noirs aussi. Hein, ouais. Et c'est une musique aujourd'hui qui te parle. Oui. Après, il y a aussi la musique irlandaise qui me plaît bien dans un autre style. On est dans autre chose, là. On est dans oui, chose. Mais moi, en fait, je suis extrêmement éclectique. Et d'ailleurs, ça se ressent dans ma musique. Et c'est assez compliqué parce qu'on a du mal à me mettre dans une case. Oui, tant mieux. Je ne sais pas. En tout cas, pour un producteur, il semblerait que ça soit compliqué. Maintenant, aujourd'hui, ben, je vais m'affirmer. Il y a toutes ces racines. Tu parles de musique noire. Moi, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Pedro, qui tourne bien, hein, que j'ai dédiée à mon ami, voisin et frère de sang, qui s'appelle Pedro Kouyaté, qui vient du Mali. Oui. Et pareil, Pedro, c'est la musique africaine, c'est une musique très terrienne, c'est du blues malien. Et oui, je pense que vraiment, c'est cette rencontre-là est clé pour moi. Aujourd'hui dans la musique que j'apprécie et que j'ai envie de faire. Je n'ai pas peur de dire que je t'ai trahi. Par pure paresse, par pure mélancolie. Qu'entre toi et le diable, j'ai choisi le plus confortable. Mais tout cela n'est pas pourquoi je me sens coupable, mon cher ami. Je n'ai pas peur de dire que tu me fais peur. Avec ton espoir et ton grand sens de l'honneur. Tu me donnes envie de tout détruire, de t'arracher le beau sourire. Et même ça n'est pas pourquoi je me sens coupable, c'est ça le pire. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûre de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Je n'ai pas peur de dire que j'ai triché. J'ai mis le plus pur de mes pensées sur le marché. J'ai envie de laisser tomber toute cette idée de vérité. Je garderai pour me guider plaisir et culpabilité. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûr de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité. Thank you. sais pas comment ça va se mélanger avec, comme tu dis, la pop un peu française. C'est bizarre. C'est vrai que je passe de cette chanson pop française, j'ai envie de dire traditionnelle, très... ce blues, mais même Mademoiselle K aussi, que j'aime beaucoup, ou Laura Cox, qui est une guitariste française, la rock, assez jeune, et qui me plaît beaucoup. Donc voilà, tout ce qui est blues rock aussi, Anna Popovitch, dont je suis complètement fan et qui m'inspire beaucoup. Donc voilà, après ce mix-là, tu vois, c'est pour ça que c'est une maturation. Ce parcours artistique est long, tardif, mais... Ouais, c'est ça. J'espère pourquoi... qu'il va se passer quelque chose. Quoi. Pourquoi tu as attendu aussi longtemps? T'étais pas prête? T'étais pas... Ben justement parce que je pense que j'ai dû travailler sur mes origines libanaises pendant tellement longtemps. Tu devais régler ça avant. Je vais régler ça avant et donc je pense que c'était compliqué de se battre sur... sur la musique et sur tes origines. Voilà. Et puis peut-être que tout ce parcours-là de recherche, finalement, au bout du compte, va me servir pour mon projet artistique. Alors je regrette un peu, hein. C'est évident de ne pas avoir démarré à 20 ans, plutôt à 20 ans, parce que là maintenant j'ai une famille, j'ai deux enfants, et ouais c'est difficile. Mais la guitare, est-ce que tu en joues depuis le début Depuis que j'ai 13 ans, j'ai commencé par le piano. Ok. Je trouve que je suis aussi pianiste. Ah, c'est une bonne base, le piano, voilà. Parce que c'est plus complexe, 88 notes, c'est... Oui, bien connaître son manche à la guitare, c'est aussi complexe. depuis l'âge de 13 ans, tu dois quand même jouer avec une facilité. Ça va. c'est humble. Non, ça va, mais maintenant, je trouve que justement, la guitare est un instrument assez exceptionnel. D'abord, il n'y a pas une guitare, il y en a plusieurs. Donc, je joue autant de la guitare électrique, que de la demi-caisse, que de la folk 6 cordes et de la folk 12 cordes. Et celle-là, c'est une guitare? C'est une 6 cordes, là. 6 cordes, ok. Mais la guitare, en fait, je pense que c'est... De toute façon, la musique, quel que soit, je pense, l'instrument qu'on étudie, on a une... C'est jamais fini. L'étude et la maîtrise de son instrument n'est jamais finie. Moi, je suis vraiment passionnée par les instruments de musique et passionnée par la guitare. Je me rends compte que même pour maîtriser le piano, puisque là, je reprends quelques cours... c'est jamais fini, c'est infini, c'est pas possible, tu peux pas... Et c'est de là le plaisir aussi, c'est là commence le plaisir, en sachant que tu peux jamais arriver au bout. Oui, je pense que c'est ce qui fait qu'on poursuit, qu'on continue. Sinon, on s'arrêterait si on arrivait, si on savait qu'il y a un moment, ça se termine, bon bah... Il y a plus de plaisir, où est l'intérêt, ouais, puis l'intérêt, quoi. C'est ça. Et j'ai besoin de trouver de l'intérêt dans tout ce que je fais, donc là j'en trouve un. Hein. La guitare, je me dis, ouais. Mais préfères-tu écrire de la musique ou écrire des textes, ou les deux en même temps ou Alors, j'aimais tout autant les deux. Après, quand j'ai fait un point... j'ai fait un point un petit peu sur ce que je savais faire chez à Voix du Sud, chez Francis Cabrel, hein, et que j'ai fait mon stage. Est-ce que Francis Cabrel était là, non? Non, enfin, okay. Il est passé. C'est juste une école, c'est une école. Oui, il est passé, mais moi, j'étais pas là. Ah, oh, t'étais où? J'étais dans ma chambre. Oh, on t'a pas appelé, Francis Cabrel? Non, ouais. Mais l'intérêt, c'était vraiment de faire un point, savoir où c'est on en était. C'est C'est dans le sud, du côté d'Agen. OK. Et là, il s'est quand même révélé que j'étais musicienne. En tout cas, Olivier Daguerre a vraiment insisté sur ce point-là en me disant « il faut vraiment que tu travailles ça ». C'est vrai que je prends beaucoup de plaisir, et je pense que ça a révélé ça, en tout cas. Je prends beaucoup de plaisir à être sur mon instrument. Mais est-ce que tu peux parler un peu de cette école-là? Ben, est-ce que c'est une école ou on peut appeler ça un stage? Ah, c'est plutôt des stages. Okay. Voilà, c'est en fait des... Ça s'appelle Cabral des labos. Qui... Oui, tout à fait. Il est le président. Voilà, tout à fait. Il est le président... de l'association Voix du Sud. Il y a un directeur qui s'appelle Pascal Bagnara. Il est en tournée actuellement, Francis Cabrel, au Québec. Ah, ben ouais. C'est super. Ouais, ouais. Là, vous avez de la chance. Oui. Est-ce que tu l'aimais avant? Tu le connaissais oui, avant? Oui, bien sûr. Ben, alors moi, j'ai une grande préférence pour deux albums de lui. C'est Samedi soir sur la Terre et puis Hors saison. C'est des albums assez... Assez récents, ouais, finalement. C'est pas les débuts. Non, c'est pas les débuts, mais moi, c'est deux albums que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup joué, d'ailleurs. Enfin, okay. Surtout Samedi soir sur la Terre. Voilà. Mais là, qu'est-ce qui fait que tu as pu rentrer en stage? Est-ce que tu as envoyé un portfolio? Il y a une sélection, oui, c'est ça. Il y a une sélection. Quand tu passes là, quand tu es accepté. Oui, voilà, c'est ça. Il y a une sélection. Ça, c'est... j'avoue que j'étais très contente parce que, je ne pensais pas être sélectionnée. Et donc... Et la sélection, elle t'offre quoi? Elle t'offre... On part deux jours en labo. Il y a plusieurs types de stages. Tu as le labo 1, où on va se retrouver à 9 artistes, on ne se connaît pas du tout, mais on peut être que, ou chanteur, ou auteur-compositeur, ou seulement auteur, etc. Donc il y a un mélange d'univers et de personnalités et de compétences, j'ai envie de dire. Et là, en deux jours, on doit écrire deux chansons avec un groupe différent à chaque fois, chaque journée. Entre donc chaque vous. Jour, on dépose une chanson, en fait. Avec des professionnels qui sont autour de vous. Voilà, là, c'était Olivier Daguerre et Benoît Dorémus qui étaient nos tuteurs de stage. Et ça permet de voir où on en est, justement. On fait vraiment un point sur où on en est et qu'est-ce qui peut nous aider à devenir professionnel. En fait, c'est ça, c'est vraiment faire un point où là où c'est on en tremplin. Est, c'est une sorte de tremplin. Voilà, on fait le point et voilà. Bah, alors, toi, tu veux être auteur, compositeur, interprète, mais qu'est-ce qui peut te manquer encore? Quels sont tes points forts et tes points faibles pour y arriver? Et puis, est-ce que c'est payant aussi? Oui, c'est payant. OK, mais une fois que tu es rentré là, on va te montrer les rouages, on va t'aider, va te diriger, on va te tenir par la main et on va t'expliquer un peu comment fonctionne une chanson, comment fonctionne le show business. Oui, oui, alors comment fonctionne le show business? Plutôt une chanson, okay. Avec vraiment, il y a une matinée où on nous explique ce qu'est l'écriture d'une chanson. En particulier au niveau du texte, plus. Hein. Ah, tu as appris beaucoup là-bas? J'ai beaucoup appris, oui. C'est en combien de temps? C'était un électrochoc, surtout. Okay, oui. Deux jours et demi, mais c'est tellement dense qu'on a l'impression qu'on est parti un mois. C'est des révélations que tu reçois. Ouais, et puis des rencontres aussi. Et après, il y a le Labo 2, où là, on va travailler sur le réseau, sur comment construire sa carrière. Tu as le Labo Répertoire, où là, les rencontres répertoires, c'est pas un labo, rencontres répertoires, où là, tu vas, travailler sur ton propre répertoire. Okay. Et après, tu as les rencontres d'Astafor. Et là, il y a Francis Cabrel. Et là, c'est 10 jours. Ah, mais Francis Cabrel était là. Pas moi, j'ai pas fait. Moi, j'ai fait que le labo, hein, okay, pour le moment. Okay. Voilà, parce que j'ai besoin d'avancer avant de progresser à Astafor. Voilà. Mais est-ce que c'est plus facile pour toi d'écrire ou de c'est la composition qui est plus facile pour moi. Et qu'est-ce que tu veux écrire? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux... Alors, je n'aime pas parler de moi dans mes chansons. C'est peut-être ça qui est difficile, d'ailleurs. Okay. Même si là, on m'encourage, justement, c'est parce une parce que chose tu as quand même un personnel. Cheminement particulier. Ça serait intéressant de l'entendre sur disque. Alors là, on commence à... Voilà, je commence à avoir beaucoup d'amis artistes qui commencent à me dire des choses que je commence à entendre. Parce que s'il faut entendre ce qu'on, ouais, ce qu'on nous dit, il faut être prêt à entendre. Donc voilà, oui, il y a probablement une chanson sur le Liban qui va naître incessamment sous peu. La musique est là depuis très longtemps. OK. Au moins, il y a quelque chose. Mais le texte, voilà. Parce que tu ne veux pas dire n'importe quoi aussi. Ça te représente, donc tu es plus frileuse, tu es plus, c'est t'es ça, plus c'est, difficile. C'est dur de se mettre en avant et de révéler des choses intimes à soi-même sans s'effondrer, parce que je suis quelqu'un de très sensible, donc je peux vite pleurer, même sur scène. Enfin, donc, à la fois, il faut être dans l'émotion, mais à la fois, il ne faut pas se laisser envahir par cette émotion. C'est-à-dire quand on est auteur, compositeur, interprète, ce qui est très dur, c'est de prendre du recul par rapport à ce qu'on a écrit pour devenir interprète de chansons qu'on a soi-même créées. Eh bien, écoute, moi, je vais aller voir Mélodie Gardot il y a un an à l'Olympia de Paris. Et puis, écoute, elle a quoi? Elle a 15 ans derrière elle, là? Ouais. Bon, elle pleure encore quand elle chante ses chansons. Elle est émotive. Je l'ai vue deux soirs. Et le premier soir, elle était beaucoup plus émotive que le deuxième. Le deuxième était plus maîtrisé parce qu'elle parlait moins. Quand elle se met à parler, bien là, on sent que c'est une fille qui a beaucoup vécu, hein, qui a eu des problèmes. Ben, je sais bien. Bon, donc, je crois que tu peux rester émotive. C'est ce qui donne une couleur. Quand je l'ai vu, si je dois choisir le spectacle que j'ai apprécié, c'est le premier soir, lorsqu'elle chantait une chanson de Brel, puis qu'elle se mettait à pleurer, puis qu'elle recommençait. C'est... Ouais. On est là pour voir des gens vivre. Hein. On est là pour voir des gens... nous ramener sur soi. Hein? Parce que quand tu écris pour toi, mais tu écris pour nous aussi. C'est ça. Donc, on se reconnaît à travers tes mots, à travers tes écrits, à travers ta musique. Donc, il ne faut pas non plus enlever le côté émotif. Au contraire, si tu pleures, continue à pleurer. Le pire, c'est quand je chante du Michel Berger. Hein. Ah, oui, souvent, si je chante évidemment ou des choses comme ça, il y a un moment, ça... Tu parce que ça me parle tellement. Sinon, tu vas pleurer. Ah ouais, c'est terrible. Éloigne-toi plus encore que les bords du ciel, les draps. Protège tes chairs, que les plis font si tendre, où viendront déferler les jours opprobres, des poussières de silence, des bras qui s'épanchent, les lignes de ta main. Sois sans le doute, sans perler d'eau salée. Des hérons qui se moquent, les braillardes s'en vont déplorer la nouvelle, survolant les salons et l'usure de nos mains. Une poule, c'est con. Un jour, c'est long. Un entrechat sur ta sépulture, les cannes en l'air. Dans la tour. Soleil d'hiver et les corbeaux sur la blanche font brûler mes yeux de vous les voir. On voit là dans tes yeux d'une autre route. Les vents nous vivent les heures du trois quarts de frisson. Et la part qu'il nous reste, sois-en certain, nous emmènera demain, séculaire mémoire. Une poule, c'est con. Un jour, c'est long. Un autre chat sur ta sépulture, les cannes en l'air, dans la tourmagne. Luna. ça s'apprend, je pense aussi. Et je crois qu'il faut garder quand même, je sais pas. Je pense qu'en effet, il faut garder ce côté émotionnel, mais il faut quand même se dire qu'on est là pour interpréter quelque chose et que pour que le message passe, si on est toutes les 30 secondes en train de pleurer, ça va pas marcher. Donc avoir un moment ou deux d'émotion dans le spectacle quand on est comme ça, de toute façon tous les artistes sont quand même émotifs globalement, et donc ça va. Mais voilà, je pense quand même, faut pas que ça desserve ni le message, ni la qualité du show, en fait, c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, Ding Dang Dong, qui est une chanson où je parle de la guerre, je la chante plus en pleurant sur scène. Mais au début, oui. Ah là là, c'était terrible, je pouvais pas. C'était vraiment dur. Mais parce dur, que t'avais vraiment trouvé les mots justes pour amener le sujet. C'est après, je dis, et du Liban à la Syrie, et là, c'est juste... je parle de mon pays et d'origine, et c'est juste... Est-ce que ça te surprend? Oui, ben effectivement, mais est-ce que ça te surprend, les mots que tu as écrits? Est-ce que ça te surprend, la vibration que ça te donne? Parce que c'est toi qui l'as écrite, les vibrations que ça te crée? Est-ce que ça me surprend? Je sais pas. Je veux dire, globalement, la musique me surprend, quoi qu'il en soit. Quels que soient les textes, à partir du moment où ils sont touchants, oui, ça nous prend. Je sais pas si ça nous surprend, mais ça nous prend. Et c'est peut-être surprenant, en effet, que c'est la force des mots. Mais quand on voit, par exemple, on parlait de Cabrel, et en effet, c'est vrai que c'est une chanson assez symbolique, à la fois dans l'écriture. On parlait de la corrida, on en parle beaucoup, nous, en tant que jeunes auteurs, de ce texte, hein, qui est quand même extrêmement prenant, où il se passe quelque chose. Oui, elle est surprenante aussi. Elle est surprenante, cette chanson, par exemple. Est-ce que c'est les mots qui t'amènent la musique ou la musique qui t'amène les mots? Plutôt la musique qui m'amène les mots, mais je n'ai pas de... Parfois, je peux avoir une ligne de texte quelque part et quatre mesures de musique de l'autre et je vais les joindre. Okay. Donc moi, c'est plutôt du puzzle. Ouais, c'est ça. Moi, j'adore les puzzles et donc je pense que je travaille un peu comme ça aussi. Puis à un moment, ça prend forme. J'ai pas de méthode de travail aujourd'hui. J'ai fait une formation qui s'appelle Transmission de plumes à la Manufacture Chanson qui a été exceptionnelle. Oui, c'est une belle, alors là, c'est la révélation. Ça a été formidable, je le dis. Merci la Manu Chanson, merci d'exister. Où il y a eu Mademoiselle K, par exemple, qui disait qu'elle n'avait pas de méthode, hein, justement. Alors Agnès Bill, elle, comme elle ne compose pas, par exemple, c'est une tâcheronne de l'écriture, mais c'est impressionnant. Moi, je l'ai vu avec son calepin. Là, c'est des leçons, hein, c'est des leçons d'écriture. Il y a eu Clarica aussi, Clarica, que j'aime beaucoup, que j'écoute beaucoup actuellement, justement parce que j'aime aussi sa forme d'écriture. Alors, t'as bien écouté les femmes. Alors, en fait, c'est vrai, j'ai honte. T'es une femme. Mais j'ai été bercée par Cabrel, comme tout le monde, Goldman, Michel Berger, Laurent Voulzy, qui est mon idole complet, qui m'a fait aimer la guitare avec Cabrel et Yves Duteil. Je pense que ce sont les trois artistes qui, au départ, m'ont donné envie de jouer de la guitare. Et puis... maintenant, les femmes, et je pense que... comme au théâtre, il y a eu Jacqueline Maillan, pour nous les musiciennes, c'est Véronique Sanson. C'est évident. Plus que Brigitte Fontaine. Alors, j'aime beaucoup Brigitte Fontaine. Et en plus, elle a des super textes. Ouais. Mais c'était pas. J'étais jeune, c'était pas ce qu'on écoutait à la maison. Parce que c'était trop éclaté. Peut-être par rapport à mes... Voilà. Ah oui, c'est trop éclaté pour tes parents, voyons. Voilà. Alors que maintenant, j'en suis fan. Je devais aller la voir en concert le 13 novembre 2013. Elle faisait de la lecture de poésie. Non, là, elle chantait. C'était le 13 novembre 2013. Elle jouait au Bataclan. Avec Yann Péchin et toute sa crew. Et j'aurais aimé y aller. Et il se trouve que j'ai accouché ce jour-là de ma deuxième fille. Imagine accoucher en pleine salle, Et donc j'avais l'intention d'aller la voir, donc je me rappelle exactement du jour où je voulais aller la voir et où je suis pas allée Et je n'ai pas pu l'avoir. Non, je n'avais pas pris mon billet parce que voilà, je savais que... Et j'ai dit, heureusement que je n'ai pas pris mon billet. Parce que... Donc tu vois, je peux te dire que Brigitte Fontaine, oui, fait partie de ces artistes aujourd'hui qui me... Il y en a d'autres aussi, Adrienne Poli et tout ce monde-là. Adrienne Poli, tu cites vraiment des artistes qui aujourd'hui sont très... Je la rencontre à chaque année. C'est très rock en fait, et je pense que je suis très rock en fait. Elle écrit ses textes. Elle écrit juste dans son premier album, elle a repris une chanson de Gainsbourg, L'herbe tendre, Avoir le cul. Est-ce que tu la connais? Non. C'est en duo avec le comédien... comment s'appelle-t-il? Ah, oh, attends. Je vais fermer. Je t'en prie. Ah, c'est Adrienne. Oh. Allô? Allô, Adrienne? Allô? Je l'appellerai tantôt. Oui, vas-y. En plus, Adrienne Poli. Ah oui, donc je suis devenue... Mais je cherche désespérément des dates où elle joue. Elle a joué il n'y a pas très longtemps. Je n'ai pas pu y aller, moi. Excuse-moi, la vas-y. Dernière fois. Vas-y. Allô? Salut, Adrienne, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Non, je suis en rencontre, mais on va prendre 2 minutes, oui. Plus on parle d'elle, c'est marrant. OK. OK. Oui, ben moi je m'en vais. Oui, moi je m'en vais lundi, donc je t'enverrai des dates ce soir, puis tu me diras si tu peux. Non, mais. Oui, ben aujourd'hui je t'avais envoyé un message qui disait que j'avais utilisé ta plage horaire parce que j'attendais ta réponse et tu ne m'avais rien envoyé. Alors, je regarde en fin de semaine et je te reviens avec ça. C'est impeccable. OK, extraordinaire. Hey, Adrienne, je t'embrasse. OK, vendredi, samedi ou dimanche. C'est ça? OK, bon. OK, alors, OK, je vais regarder ça. Sublime. Bonne journée. Je t'embrasse. Salut. Charmant. Et super. Oui, un personnage. Et bien tout à fait le genre d'artiste aujourd'hui, comme Mademoiselle K, comme Clarica, qui me porte. Oui. Et donc c'est un côté rock que j'ai pas trop assumé. Michel Berger a eu cette problématique aussi, puisque lui aimait énormément le rock. Ouais. C'est très rock, je veux dire Starmania, c'est une œuvre rock. Qui a écrit Starmania, les paroles? Les paroles, Luc Plamondon, s'il te plaît. Voilà. Que j'ai eu la chance de rencontrer un concert de Véronique Sanson en 98, qui a écrit sur... parce que j'avais mon book de Véronique Sanson. Et il a fait une dédicace, il a mis « J'aurais voulu être une artiste, figure-toi ». C'est la dédicace qu'il m'a faite. La chante-tu, celle-là? J'aurais voulu... pas trop. Starmania, je chante plus trop ces derniers temps. Et moi, j'aime beaucoup Monopolis. Chanson. Oui, mais ça demande de la voix. Hein. J'aime aigus, beaucoup Ego Trip. Oui. Voilà. Oui. Sex Symbol. Ouais, Sex Symbol. Chanté par Diane Dufresne. Ouais, super. Oh. Et puis moi j'aimais, j'avoue que j'aimais beaucoup Venta qui faisait Sadia. Ouais, ça c'est dans la version 3 de Starmania. 88. Ouais, c'est ça. Avec Ron Hanson. C'est ça, version 3. Et voilà, pour moi, c'est, enfin, avec Moran, enfin. As-tu beaucoup de matériel pour faire un disque ou pour faire un spectacle? Alors pour faire un spectacle, oui. Pour faire un disque, non. Je ne supporte pas tout ce qui est ingénierie sonore. C'est un truc, c'est pas mon truc. Alors le disque, non. Alors j'ai sorti une sorte de CD de démo il y a maintenant 2015, mais j'avais enregistré chez quelqu'un. Je n'aime pas le studio d'enregistrement globalement. Je suis une artiste très vivante qui a besoin d'avoir un public en face pour sortir quelque chose. Alors ça va peut-être venir le métier rentrant, peut-être que je serai plus à l'aise aussi, c'est ce qu'on m'a dit, on m'a expliqué ça. Mais pour moi... Il faut être prêt. Ah là là, ça avait été vraiment un chemin de croix pour moi, cet enregistrement. Après, ça m'a permis quand même de me dire, où est-ce que j'en suis, et et qu'est-ce que je veux réellement faire. Donc ça m'a permis quand même de démarcher un certain nombre de personnes, d'avoir des retours, donc c'est bien, mais le prochain album, il n'est pas là pour tout de suite. Mais ce qui te fait continuer, c'est les retours aussi, c'est les gens ouais, qui te disent... Ouais, moi c'est le live. Moi, on est, d'abord, tant mieux qu'on soit des artistes live, parce que je vais te dire aujourd'hui, la vente d'albums, non, ça se fait plus, cherche plus. All'ustal per aquí o en Chino, all'ustal super tutta l'ustal. All'ustal per aquí o en Chino, all'ustal super tutta l'ustal. All'ustal n'hi un campo l'altre, all'ustal si en loca l'ustal. All'ustal n'hi un campo l'altre, all'ustal si en loca l'ustal. All'ustal n'hi un campo l'altre, sarà il pas jamai a l'ustal. All'ustal n'hi un campo l'altre, sarà il pas jamai a l'ustal. Rinaldienne sur CKRL-MF, le 89 Hall à Québec, avec Rénald Garnier. La montagne est glaciale, d'ici à Barcelone, une chaîne à flanc infranchissable. La pampa est dorée, d'ici les Pyrénées, une garrigue qui est mal irriguée. Mais je t'aime, mon ami, n'en doute pas une seconde. Chaque parole me réjouit, me console de mon monde. Une vallée embuée jouxte juste la colline, comme un père qui dort avec bébé. La famille est multiple, pas facile à cerner, quand les aspres se dressent à tes pieds. Une frontière mal franchie, des mots en contrebande. Nous serons, chanterons aussi, des membres de la bande. La montagne irradieuse, un peu irradiée, elle subit le cagnard accablé. La chaleur est immense, le désert habité par des hommes qui hantent l'été. Un milieu inaccessible, plusieurs vies pour s'adapter. Un milliard d'amis possibles, c'est qui va m'aimer? C'est qui va m'aimer? Donc le fait d'être... Mais c'est plus une carte de visite quand tu fais un disque, tu dis, écoutez-moi chez vous. C'est ça. Et ou alors un souvenir que les gens gardent en revenant de ton spectacle. Ben oui. C'est ça maintenant. Ou tu peux enregistrer live aussi, tu peux faire un disque live. Alors c'est ce que font un certain nombre de personnes, c'est ce que je ferais probablement moi. Ça coûte moins cher que de rentrer en studio, de magouiller parce que la guitare n'est pas assez forte. Le live, c'est le live, les erreurs, ça fait partie ouais, du live. Ben c'est ça, moi j'aime bien ça. Puis tu ne travailles jamais ton live parce que sinon c'est travestir l'œuvre que tu veux faire. Ouais. Ça, c'est important. Garder vraiment l'animation. S'il y a un cilement, tu gardes le cilement. C'est ce que... Moi, quand je me procure un disque de concert, je veux avoir les imperfections du concert. Oui. Ben, c'est ça, le l'intérêt et le but. C'est pas d'avoir un produit léché comme en studio. Le studio, c'est le studio. Le live, c'est le live. Ouais. Ben, par exemple, Clarica, tu vois, elle a fait des albums studio et il y a des albums live. Je trouve que c'est génial, ces albums live, quoi. Oui. Mais elle roule pas mal aussi. Là. Je pense que ça fait... Ouais. Au moins 15 ans qu'elle roule. Ouais. Oui. Non mais voilà, ça c'est des filles, voilà maintenant où je me sens plus maintenant en filiation avec ces gens-là, enfin plus inspirée en tout cas par ces gens-là que par, on va dire, la chanson française plus traditionnelle aujourd'hui. As-tu beaucoup d'écrits en chantier ou si tout est... Oui. Oui. Et comment tu... Terriblement fais? Parce que j'ai fait transmission de plumes cette année. Oui. Et que donc c'est... Ça, c'est un bel atelier d'écriture. C'est un magnifique atelier d'écriture. Ouais. Et là, c'est j'ai tout est en chantier. Oui, oui, oui. Oui, ouais. Ben c'est ça. C'est... Tu prends les instruments, toi, qui te sont offerts. Hein. Les ateliers d'écriture, tu les vois souvent. Les ateliers de chansons, tu prends... Pourquoi? Parce que tu veux acquérir, tu veux acquérir, tu veux acquérir. Puis c'est le partage, c'est la rencontre avec d'autres artistes aussi qui ont plus ou moins les mêmes problématiques que nous, ou alors qui ont une facilité dans l'écriture, qui vont nous dire « Ah ben non, mais finalement ton texte il est pas si mal, mais tu vois, peut-être tu pourrais faire ça, ça, ça, vas-y essaye, creuse sur cette piste. » Voilà, donc c'est... Ouais, j'avoue que Transmission de Plume, là, ça m'a énormément marqué. Mais une chose qu'on peut dire, c'est que ça fait 3 ans là, que tu travailles très fort le noyau musical. Ça fait 3 ans que tu te dis... Là, j'arrête de me freiner et je me lance. Les enfants sont quand même assez grands. C'est ça. Ouais. Ma vie familiale, c'est une chose, mais là, ma vie professionnelle, c'est ce qui importe. Ça fait depuis avril 2016, vraiment, on peut dire que je me suis lancée. Ça fait 3 ans. Ouais. Grâce à un copain qui s'appelle Léo Tipi, qui était le leader des pizzas volantes. Mmh. Et Léo m'a programmé sur son festival Graines d'être. D'abord, j'aimais beaucoup le titre. de ce festival. Et il m'a dit « Si, si, il faut que tu montes sur scène ». Et c'est comme ça qu'on commence. Et donc, avril 2016, on va dire. Avant, je ne faisais pas trop de scène. Et puis, je me suis freinée à un moment. Et c'est Michel Aumont, qui est guitariste, qui, lui, m'a conseillé une scène est-ce que c'est le spécialisée. Fils de Marcel Aumont ? Non. OK. C'est un des guitaristes de Maxime Le Forestier, okay. Michel Aumont. Et Michel, lui, m'a conseillé d'aller sur un micro ouvert, open mic, qui s'appelle l'Acoustic Bazar, qui est vraiment spécialisé guitariste et qui avait, je crois, entre autres, insufflé Marcel Dadi, je ne voudrais pas dire de bêtises, et qui est aujourd'hui animé par un guitariste qui s'appelle Eric Gombard, voilà, qui a été professeur à l'école Atlas aussi, une pointure, Eric une Gombard, haute pointure, ouais. Une grosse pointure. Connais-tu Yann Péchin? Non. Ok, c'est le guitariste de Bachung d'Igelin, c'est... non? Okay. Non, pas de... de nom, mais le connais pas personnellement. Okay. Voilà. Okay. Mais voilà, donc c'est le milieu des guitaristes vraiment aujourd'hui qui me porte et qui m'a vraiment donné confiance en moi. Et qui m'encourage. Et là, j'ai joué au Festival international de la guitare d'Issoudun. L'accueil du public? Alors sur mes chansons ça a été moyen, donc à un moment je me suis dit je vais plus faire que de l'instru parce que je fais aussi de la guitare instrumentale, ouais. Je commence à composer en fait des morceaux instrumentaux et mais bon c'était dans des conditions particulières, bref j'avais une caisse qui derrière moi qui résonnait donc j'ai eu du mal à poser mes chansons, mais il n'empêche, voilà je me suis dit il y a encore du travail sur les chansons donc c'est ce que j'ai fait cette année, il semble que ça paye, c'est très bien, il y a eu une véritable évolution. Mais Issoudun, c'est vraiment la guitare instrumentale, le blues, plus ce genre de choses. Donc, ça te rejoint. Je leur prépare quelque chose. Hein. je travaille comme une dingue, on va voir. Okay. Mais c'est très motivant. Voilà, je pense qu'il faut vraiment, c'est comme un peu à Stafford, il faut prendre ce qu'on nous dit et il faut poursuivre en fait. Il ne faut pas lâcher. Non. Et c'est dur dans nos métiers. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus. Vraiment se faire rémunérer en tant que musicien. D'ailleurs, il y a une chose moi qui me pose problème en France, je ne sais pas comment ça se passe au Québec, hein. Par exemple, ceux qui font du théâtre peuvent créer des compagnies de théâtre et se rémunérer. Nous, en tant que musiciens, en tant qu'auteurs, compositeurs, interprètes, on ne peut pas créer une structure légalement où on va être inclus dedans et se payer. Donc il y a un souci, on peut pas créer une sorte de... Pourquoi on ne pourrait pas créer des compagnies musicales comme il y a des compagnies théâtrales ? Ouais. Parce que là, on a un problème. On a un gros problème, nous. Donc souvent, c'est au chapeau, c'est non déclaré. Moi, je suis pour la déclaration, je suis pour payer des impôts, je suis pour pouvoir faire les choses dans la légalité et vivre de ma musique. Et là, les moyens sont difficiles. Résultat ? Pour avoir mon intermittence, on me conseille de faire de la figuration. C'est quand même assez dingue. C'est-à-dire que c'est plus simple de faire de la figuration. Donc c'est mieux structuré, j'ai envie de dire, au niveau des comédiens qu'au niveau de la musique. Et les labels se sont, entre guillemets, effondrés, prennent moins de monde. C'est des labels indépendants. C'est pareil, les labels indépendants, c'est difficile. Donc ça serait bien que nous, musiciens, on puisse créer des sortes de compagnies musicales qui nous permettrait de faire les choses dans la légalité, même dans les bars. Il y a des choses qui existent aujourd'hui, mais c'est trop peu. Es-tu intermittente actuellement ? Alors, je ne suis pas intermittente, mais je suis enfin inscrite au Pôle emploi spectacle. Donc, j'ai accès à des formations quand même en interne Pôle emploi spectacle. Alors, c'est un processus de devenir intermittente ? Ah ouais, là, c'est un choix aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, soit je retournais dans une vie, entre guillemets, réelle, mais qui ne me correspond pas. Qui te convient plus. Bon, ben, t'as tout compris. Voilà. Plus que qui ne convient plus, qui ne me convenait pas, quoi qu'il en soit, mais que j'ai... Enduré. Que j'ai dû endurer pour plein de raisons. On ne va pas s'étendre là-dessus, il y a énormément de raisons qui font qu'on ne prend pas la voie qui doit être la nôtre. On en a parlé d'une en particulier, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Et aujourd'hui, c'est mon bonheur, quoi. Là, tu vis, tu t'épanouis. Je me sens à ma place, surtout. Tu t'épanouis, oui. Tu as pris ta place sur la terre. J'ai fait une formation Pôle emploi spectacle avec que des comédiens. Après, il y avait une chanteuse, mais qui était comédienne à la base. Et je leur ai dit, mais merci, enfin, je suis là où je dois être. Et c'est très dur dans notre monde, justement, je crois, aujourd'hui, c'est que les gens ne sont pas forcément là où ils doivent être. C'était un maître bouddhiste qui disait ça. Et c'est pour ça que le monde tourne si mal. Ouais. Je pense qu'on est beaucoup de on gens... On prend des chemins qui ne sont pas les nôtres. Qui ne sont pas les nôtres. Et je pense que c'est... Il y a eu des chansons qui ont été écrites là-dessus. Hein. Même Zelka, je crois, en a écrit ouais, une. Ouais, ouais. Mais c'est vraiment, prends ta place, prends celle qui la tienne, ne sois pas malheureux. Après, ça a un coût. Ouais, aujourd'hui, je suis énormément soutenue par mon mari. Mais au point d'en être mal à l'aise aujourd'hui parce que je suis quelqu'un d'assez indépendante, j'ai toujours gagné ma vie et donc là je le vis mal. C'est pour ça que je veux aussi être intermittente du spectacle, c'est ça aussi l'art de la guerre, c'est de se dire bah oui mais je suis autonome, c'est mon travail, je vais gagner ma vie comme ça je ne dépends pas de mon mari pour pouvoir faire quelque chose que beaucoup de gens estiment être complètement futile. Ils courent tous dans les concerts mais ils trouvent que ce qu'on fait c'est futile. Il y a un truc un peu bizarre. Tu vois, il y a un no man's land. Il y a un truc de bizarre, mais justement, structurons. Moi, je fais un appel, mais même au café, etc. Payez la redevance SACEM, elle n'est pas énorme, et déclarez-nous. Voilà, non, même on déclare notre chapeau, on l'inclut dans la recette du soir. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire, il faut le faire, c'est vital. Nous, on est des professionnels, on a besoin de travailler, maîtriser nos gammes, etc. Ça demande du temps, c'est du temps sur lequel on est, entre guillemets, pas payé directement. Et c'est pour ça qu'intermittence existe, c'est pas un statut de tir au flanc. Oh, effectivement. C'est un statut pour qu'on puisse se former, qu'on ait du temps, voilà, et puis qu'on puisse jouer, répéter, enfin, il y a tellement de choses. Est-ce que tu joues souvent de la guitare tous les jours. Combien d'heures? Je fais entre une heure et trois heures de guitare par jour. Pour pouvoir la comprendre. Et environ une demi-heure de piano par jour. Oui. Alors, c'est beaucoup de travail. C'est énormément de travail, mais parce que moi, je suis dans une phase de perfectionnement, on va dire, et de professionnalisation. Après, je ne sais pas, les professionnels, le temps qu'ils peuvent passer sur leur instrument, je pense quand même beaucoup. Choisissons, vu que c'est nous qui tournons. Choisissons, vu que c'est nous qui volons. Choisissons, vu que c'est nous qui atterrissons. Choisissons, vu que c'est nous qui choisissons. Choisissons. Que le ciel est au plus bas. Méfie-toi, méfie-toi. Vu que c'est lui qui fait la loi. Méfie-toi, méfie-toi. Que le loup entre toi et moi. N'y sois pas, n'y sois pas. Méfie-toi, méfie-toi. De ce qu'on raconte là. Méfie-toi, méfie-toi. De ce qu'on raconte là. Méfie-toi, méfie-toi. Du comment, du pourquoi. Méfie-toi, méfie-toi. Et ça te regarde pas. Méfie-toi, méfie-toi. Reste comme bien chez toi. Méfie-toi, méfie-toi. Tant toujours pas chaud là-bas. Méfie-toi, méfie-toi. Vends toujours pas chaud là-bas. Causi, c'est pas tu qui fais la cause, la cause, le causi, là. Causi, tu causes, pas la cause, sans causi, de acquitter quand mon fils a. Vu que c'est nous qui tournons rond. Choisissons. Vu que c'est nous qui grandirons. Choisissons. Vu que c'est nous qui polluerons. Choisissons. Vu que c'est nous qui choisirons. Choisissons. Vu qu'on ne sait pas mais on y va. Méfie-toi, méfie-toi. Vu que t'es plus haut que le bas. Méfie-toi, méfie-toi. Quand le vent nous portera. Méfie-toi, méfie-toi. Méfie-toi, méfie-toi. De ne pas finir aux abois. Méfie-toi, méfie-toi. De ne pas finir aux abois. Méfie-toi, méfie-toi. Du comment, du pourquoi. Pourquoi, quoi, que quoi. Méfie-toi, méfie-toi. Méfie-toi, méfie-toi. Des carottes aux petits pois. Méfie-toi, méfie-toi. De ce qu'on raconte là. Méfie-toi, méfie-toi. De ce qu'on raconte là. Une chanson. Choisissons. Et même encore quelques frissons. Choisissons. Y'a tant couvert pour la saison. Choisissons. Comment finir la chanson. Choisissons. Comment finir la chanson. Choisissons. La sardine ou le thon? J'ai vu Justin Saint-Pierre hier en concert, formidable personne, formidable guitariste, qui lui justement aussi est dans l'expérimentation au niveau de la guitare, il expérimente beaucoup de choses. C'est ça qui est, ça demande du travail de faire ça. Hein, parce qu'on peut jouer de manière traditionnelle, tu sais, tu prends un morceau et puis tu le joues. Comme dit Michel Gentil, je ne dirais pas que tout le monde peut le faire, mais pas loin. Mais ce qui est important, c'est de trouver sa propre voie de création. Et ça, ça demande du temps. Parce qu'après, les gens vont dire « Ouais, ben, ça, j'ai déjà entendu. » Moi, ce que je veux, ce que j'essaye de faire, c'est de trouver de nouveaux sons. Et c'est là où je suis très proche d'artistes comme Shai Sebag, ouais, qui est aussi un guitariste, Justin Saint-Pierre ou Michel Gentil, voire François Ciortino, que j'aime beaucoup comme guitariste, là, que j'ai découvert. Pour moi, là, c'est des quatre guitaristes là aujourd'hui qui me transcendent. Je veux travailler comme eux, c'est-à-dire aller chercher le son, les choses spécifiques, le jeu précis. Pour que les gens me disent pas « Oh non, j'ai déjà entendu. » C'est déjà vu, ouais. Ça, c'est important. Oui, effectivement. Aimes-tu l'improvisation quand tu es sur scène? Ouais. De t'en aller puis de chercher la transe? Es-tu souvent une fille, lorsque tu joues, en transe? Ouais, en transe et avec du mal à maîtriser. Ouais, parce que tu décolles, mais tu sais plus comment atterrir. Ouais, je sais plus où j'en suis. Alors, j'ai structuré ça à la Manu Chanson, parce que j'ai une formation en plus sur mon propre répertoire, justement. Et l'improvisation, je pense, là, aujourd'hui, je la fais un petit peu moins, tout simplement parce que avant d'improviser, il faut d'abord structurer pour pouvoir après déstructurer. Ah oui, oui, oui. Donc, j'ai joué déstructuré, je structure et je vais redéstructurer, je pense. Et ça, c'est pour tout, en fait. Même pour mes apprentissages, c'est-à-dire que je suis autodidacte à la base. Là, j'ai fait des formations musicales, solfège, etc. cette année, pour pouvoir après repartir dans réellement ma créativité. En fait, les structures nous permettent finalement de sortir après de cette structure et de pouvoir apporter autre chose. Mais je cherche à apporter autre chose. J'ai pas envie de faire du Michel Berger. Je veux avoir ma signature, je trouve que c'est important. Après, c'est dur de s'imposer. Ah oui. Quand on a une propre signature, oui, un truc un peu, oui, mais il faut un peu bizarre, spécifique. Arthur H. a amené son grain de sel. Arthur H., il y en a plein d'artistes formidables. Est-ce que dans l'écriture, tu sens qu'il y a un fil médian? Est-ce qu'il y a des thèmes qui reviennent constamment? Qui te hante et que tu veux parler, que tu n'as jamais fini de creuser, donc tu en fais des chansons et tu veux quand même focusser là-dessus? Alors, j'ai envie de te dire que moi, mon fil conducteur, et j'ai beaucoup aimé, c'est mon prof de scène qui m'a dit ça, qui m'a dit que j'étais une portraitiste. Donc en fait, moi, j'aime les gens, j'aime leur parcours. Et alors bizarrement, je ne fais pas de portrait de moi-même, mais je fais un portrait beaucoup des autres. Ça, c'est mon fil conducteur, c'est vraiment parler des autres, parler de leur parcours. C'est mon passé de journaliste, okay. Puisque je suis journaliste au départ. Okay. Et donc, je pense que cette... Journaliste artistique ou journaliste... Non, pas du tout, dans l'informatique. Okay. J'ai travaillé dans la presse informatique et j'étais une spécialiste des systèmes d'information géographique. C'est très spécifique. Ouais, ouais, voilà, donc j'ai vu le démarrage des GPS, etc. Ah oui, c'est fou. Hein. Voilà, c'est fou. C'est fou. À l'origine du GPS. À l'origine du GPS, je faisais mes... Et moi, je trouve ça... Ouais. Mais... C'est le portrait. Et puis, toutes les problématiques de guerre, comment dire ? Le questionnement sur là où je pense que j'ai pas encore... Il y a deux choses que je n'ai pas encore exploitées réellement. C'est les problématiques un peu existentielles de chacun d'entre nous, notre place sur la terre, etc. Et puis, mais ça t'intéresse là, parce que tu m'en parles, donc ça cogite de savoir comment en parler. Par exemple, Clarica a écrit une chanson pour moi. Alors là, j'ai pleuré quand je suis allée à son concert, mais pleuré. Ouais. c'est bien mérité. Pour moi, c'est une chanson, j'aurais aimé l'écrire. Alors, Ding Dang Dong est une autre manière d'en parler, ou comme Pedro. Pareil, l'immigration aussi, tout ça, c'est mouvements migratoires. Donc Pedro, c'est là-dessus. Ding Dang Dong, c'est un peu là-dessus, les mouvements migratoires, la guerre, notre place dans le monde. Oui, je pense que ça, c'est quelque chose, notre place dans le monde, parce que même quand je chante Vassieux, c'est ma place, moi, dans le monde. Là, pour le coup, je parle vraiment de moi. C'est une des rares chansons où je me dévoile, de ce petit paradis sur Terre où moi, je me sens bien, où je me ressource et où... Oui, donc c'est ça, c'est notre place. Quelle est notre place, en fait? Donc c'est ça, les portraits. C'est la place de chacun. Peut-être que c'est ça, mon fil... Conducteur. C'est bien de... Voilà, je crois que c'est ça. Et maintenant, il va falloir que je parle un peu plus de moi, je pense. Ça va être... Alors, c'est quand même une ouverture vers encore des textes et des chansons. Ah ouais, là, il y a mais énormément. Et donc, je pars à Vassieux avec tous mes bouts de textes, ma guitare... Et mes pédales, parce que j'ai beaucoup des pédales d'effet. Ouais. Et pour enfin sortir des textes qui me ressemblent plus. Mais là, j'ai déjà un set. On a fait un set pas loin, au Petit Théâtre du Bonheur, qui est génial, ouais. Avec Éléonore Clovis, qui est ma complice depuis 3 ans. Elle a en plus des chansons formidables et on s'entend vraiment bien. Il y a un truc qui se passe sur scène. Et là, le set est prêt. Donc là, aujourd'hui, je peux dire que je suis prête à avoir un vrai show. C'est mon show à l'instant T. Ça évoluera, c'est évident. Bah oui. Mais je suis contente. La seule chose, j'ai une énorme contrainte, c'est que ce show, il se fait avec 3 guitares différentes. Ok, toi avec tes 3 guitares. Ouais, okay. Moi et mes 3 guitares. Okay. Et ça fonctionne. Et là, j'ai dit, j'ai enfin trouvé. Mon fil conducteur, ce sont mes guitares. Et ça, je l'ai trouvé grâce à un cours que j'ai pris au Studio des Variétés, tu vois. Je ne sais pas si tu connais la méthode Feldenkrais ou je ne sais plus quoi, Feldenkrais. Bon, c'est une méthode entre la sophrologie, la méditation, enfin, je ne sais pas. Et la nana m'a dit, mais toi, ton truc, c'est la guitare qui pose les choses. Je me suis dit, mais pourquoi je ne pose pas 3 guitares qui vont naturellement faire évoluer mon set. Oui. Et en fait, ça a glissé comme ça. Ah ben oui, c'est bien ça, parce que c'est les guitares qui vont faire progresser le spectacle. Voilà, c'est ça. C'est hallucinant. Enfin. Mais des fois, ça prend pas grand-chose, hein. Ça prend juste un œil extérieur pour te dire, c'est juste ça qu'il faut. Pas ouais. Plus, pas de fleuriture, pas de, non, pas d'accessoires. Non, non, non, non. 3 guitares et c'est dans le coup. T'es dans le coup. C'est le fait qu'elle m'ait dit ça, qu'elle m'ait dit tout repose sur ta guitare, que là je me suis dit, mais d'abord c'est pas ma guitare, ce sont mes guitares. Parce que j'ai une capacité à toucher à plusieurs types de guitares, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, c'est de tous les guitaristes. Ouais. C'est ce qu'on m'a dit. Bon, moi je m'en rends pas compte, mais parce que François Ciortino, par exemple, il joue aussi bien du blues que du fingerstyle. Voilà, là c'est mon yes. Voilà, enfin, je vais faire un stage avec lui à Issoudun. Je pense que là, ouais, ça va être formidable cette année, là. Donc, je suis impatiente. Vas-y. Mais voilà, donc tu vois, entre il y a 3 ans et maintenant, c'est abouti. Là, t'es abouti. J'y suis. En tout cas, là, il y a quelque chose, enfin, il y a quelque chose que j'assume. J'assume que je suis. C'est encore dur. Il y a encore des tiraillements. Mais c'est un tel bonheur, la musique. Mmh. L'art, enfin, tu vois, moi, j'adore le théâtre aussi. Donc, j'aimerais essayer d'allier les deux. Ah oui, ok. Un jour ou l'autre. Dans un concept scénique. Ouais, je sais pas encore. Alors je sais qu'il y a, je crois que c'est Zaza Fournier qui fait un peu ça. Ah, que j'ai rencontré il y a longtemps. Ah ouais, tu vois, alors je l'ai pas encore vue sur scène, malheureusement. Elle jouait, cette année, elle a joué à un moment où moi j'avais un autre concert. Ah, que ces convives sont impolis. Je bois ma honte jusqu'à la lie. Pourtant je ne riposte pas. Ah, que ces convives sont détestables. Et l'autre conne au bout de la table avance son couteau vers moi. Pourquoi tout le monde se sert dans l'assiette? Tout le monde se sert dans l'assiette. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. sert dans mon assiette. Tout le monde se sert dans mon assiette. Tout le monde se sert dans mon assiette. Ah, ces invités, sans en avoir l'air, m'auront piqué jusqu'à mes couverts et pillé chacun de mes plats. En bavardant, ils font comme de rien. À coups de fourchette, pire que les chiens. Je n'en peux plus de ce repas. Pourquoi tout le monde se sert dans l'assiette? Tout le monde se sert dans l'assiette. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde se sert dans mon assiette. Tout le monde se sert dans mon assiette. Tout le monde se sert dans l'assiette. De riz, un peu de poudre d'apparat. Armés d'une ultime petite cuillère, ils avaleront leur dernier dessert et je crierai adieu les rats. Pourquoi tout le monde se sert dans l'assiette? Tout le monde se sert dans l'assiette. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde se sert dans mon assiette. Tout le monde se sert dans mon assiette. Tout le monde se sert dans mon assiette. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde se sert, tout le monde se sert. Tout le monde se sert, tout le monde se sert. Tout le monde se sert, tout le monde se sert. Tout le monde se sert dans mon assiette. J'ai pas pu y aller, mais cette fille-là est surprenante parce que elle se change physiquement aussi. Là, quand j'ai rencontré, elle avait les cheveux longs. Là, à un moment donné, je l'ai vue sur une pochette, elle avait les cheveux courts. On dirait que c'était pas la même fille. Donc tu vois, je pense que ça m'intéresserait de la voir. Ça, je suis beaucoup allée voir les autres. Elle joue d'accordéon aussi. Ouais, je suis allée beaucoup voir les autres. Hein. Ouais. Et à tel point que là, j'ai donc Made in Franck, je sais pas si tu connais, Franck Inizian. Non. Qui m'a demandé d'être sa guitariste et on va être en trio. Donc là, c'est tout nouveau. Je peux en parler puisqu'il l'a annoncé. On va être en trio, donc Made in Franck Trio, à partir de la rentrée. Et ça, c'est rémunéré, ça? Alors. Ok, pas certain. Ça, si c'est possible, ça le sera. Okay. C'est en train de se formaliser. Okay. Donc c'est un projet qui est en cours de maturation. Donc on va tout faire pour qu'en effet... Depuis 3 ans. Et là, Franck m'a demandé d'être sa guitariste et on va travailler avec une accordéoniste. C'est flatteur. Et tu me parles d'accordéon, pourquoi? Parce que c'est un des instruments que je suis en train de découvrir et de plus en plus aimer. C'est beau. Pour moi, l'accordéon est comme la guitare, un instrument qui se pose, et comme le violon d'ailleurs, sur tous les styles. C'est vrai. C'est incroyable. C'est vrai. Et en plus, les accordéonistes, je dois le dire, tous ceux que je connais sont super sympas. Je suis très admirative, je suis en train de tomber en amour de l'accordéon. Et puis, je vais probablement aussi accompagner une artiste qui s'appelle Charlotte Grenat, qui joue beaucoup au Petit Théâtre du Bonheur, donc on annoncera ça. Je l'accompagnerai sur certaines de ses chansons aussi. Donc là, on est en train Donc il y a des collaborations aussi parce que ça enrichit. Ah oui. C'est très important. C'est vrai. Mais avec des gens, alors c'est quoi le plus important? Il y a l'aventure musicale, l'aventure humaine. Ouais. Les deux vont de pair. Effectivement. Voilà. J'ai 10 questions de la fin et après on va se déplacer ici à côté de la bouche d'ose pour t'écouter chanter. D'accord. Et j'ai hâte de voir où ça va nous mener ces 10 questions de la fin. As-tu lu? Non, t'as pas lu? Ben, je bouge tout le temps la feuille. Donc, tu m'as envoyé? Non, je t'ai rien envoyé. Mais non, on va l'entendre. On va entendre tes réponses-là. Si tu étais un liquide. Si j'étais... de la rac. Qu'est-ce que c'est de la rac? Je connais pas. De l'arak. C'est une boisson alcoolisée? C'est une boisson alcoolisée libanaise, c'est anisé. Ok. Oh, un peu comme le ricard. Ouais, alors le ricard, il y a du réglisse dedans. Ok, et là, c'est juste de l'anis? Juste de l'anis. Ah, ça goûte super bon. Ouais, c'est super bon. Est-ce qu'on peut en trouver ici partout? Oui, dans les épiceries orientales, ici non, à Paris, t'en trouveras. Non, mais les bars ici, les bars, non? Ah non. Ok. Il faut aller dans des restos spécialisés. Est-ce que c'est 40 degrés? C'est fort? Ouais, c'est, j'aime pas. Moi, je préfère moins 40. Alors c'est... Ah non, tu parles de... Je croyais que tu me parlais d'alcool. Le taux d'alcool, est-ce que c'est très fort? Ouais, c'est juste bien. 40? Ouais. Est-ce que tu rajoutes de l'eau? Oui, tu peux rajouter de l'eau, mais tu peux le boire en... Mais non, moi, je rajoute de l'eau, non. OK. Un peu comme le Ricard, tu rajoutes, mais sauf que c'est la réglisse, comme tu dis. Ouais. OK. Mais je vais aller voir, je vais aller voir. Si tu étais une ville... Beyrouth, Paris, Londres. Ça serait compliqué. C'est bien, c'est bien. Ouais, voilà. Et... J'ai tellement aimé Montréal. Ouais. J'ai en fait failli immigrer là-bas, figure-toi. OK. À quelle année? En 2004. Attends, qu'est-ce que je dis? Ouais, c'est ça. En 2004, donc j'avais fait ma demande de visa d'immigration. Et il se trouve que j'ai rencontré mon mari, donc je suis restée en France. La bonne. Mais j'avais un rêve, c'était de chanter aux deux Pierrots, quand même. Oui, c'est vrai, c'est bien ça. Si tu étais une langue... Ah, probablement l'arabe. Que tu parles, bien sûr. Très peu, mais c'est une langue qui me plaît beaucoup. Et je dirais, je vais te donner deux réponses, et le japonais. C'est des langues quand même assez complexes. Ouais, j'aime ça. Tu parles pas le japonais? Non, pas du tout, mais qu'est-ce que j'aime sa musicalité. C'est vrai, c'est... C'est extrêmement beau. À l'audition, c'est super beau, ouais. C'est un chant. Voilà, et je suis fan du Japon, donc oui, c'est deux langues. Si tu étais... Oui, c'est bien, c'est deux. Oui, mais oui, non, mais il faut une diversité. Si tu étais une langue. Ah non, on l'a dit. Tu me l'as dit. Si tu étais une époque. Le Moyen-Âge, probablement. Ça m'aurait plu de savoir un petit peu. C'est pas si barbare que ce qu'on dit. Ouais. Et c'est... Ouais, je pense que le Moyen-Âge. Non, on peut pas vraiment. Ouais, voilà, j'aurais aimé connaître le Moyen-Âge. Si tu étais un mot. L'aventure. Aventure. Ouais. L'aventure de la vie, de la musique. Ouais, c'est ça, l'aventure, ouais. Si tu étais un aliment. Un animal? Un aliment. Un aliment? Ben, actuellement, vu tout ce que je m'enfile comme cheeseburger, je dirais un hamburger. Ok, t'es fast-food? Hamburger maison, vraiment. Okay, les bons hamburgers maison. Ouais, fast-food, non. Salade, tomate, machin. Ouais, ouais. Oignon, cru. Ouais, super, super bon, hamburger. Si tu étais une saison? Une saison? Moi, j'aime bien l'hiver, hein. La neige, voilà. Quand tu es passé à Montréal, est-ce que c'était en hiver? Ouais. OK. Ouais, au mois de janvier? Je suis allée au mois de janvier. Et tu passais à Québec? Non, je suis pas allée à Québec. Parce que c'est plus froid à Québec. Hein? Ouais, je suis restée à Montréal, moi. OK, c'est plus humide, c'est plus froid. Mais Québec, c'est beaucoup plus français, plus... c'est francophone. Ouais. 99% des gens ne parlent que français. Ah oui? Si tu es, on dit que c'est le petit Paris du Québec. Québec, la ville de Québec. Mais prochaine fois, j'irai à Québec. Ben oui, sur le crossing, on va aller... Et puis j'aimerais aller en Gaspésie. Ah oui, Gaspésie, oui. Puis à Tadoussac aussi. Parce qu'il y a un festival de la chanson francophone. Ah oui? Mais l'équipe, ils ne diffusent que des gens qui vont émerger. Et oui, c'est ça. Dont toi. Il y a même des cours qui se donnent durant le festival, il y a des rencontres chouette, avec les artistes. Ouais, comme à Issoudun, quoi. C'est vraiment chouette. Bertrand Belin est là actuellement. Bertrand Belin est rendu là. Il s'en va aujourd'hui. Là, il s'en va. Là. Ah, c'est sympa. Il s'en vient à plein. Si tu étais un membre corporel. Un membre corporel? Oh là là là là là là, tu me fous. Je dirais les yeux. Parce qu'on voit l'âme. Ouais. On voit l'âme des gens dans leurs yeux, dans leurs regards. On voit la vie aussi. Puis je trouve que les yeux, c'est beau. Ah oui? Des yeux bleus, des yeux... N'importe. Ah oui? J'ai quelqu'un qui a des beaux yeux noirs ou marron foncé. Et ça, si la personne a les yeux rouges, on lui demande qu'est-ce qui va pas? T'as-tu pleuré? Qu'est-ce qui va pas? Si tu étais un moment de la journée. Un moment de la journée? À la nuit. C'est ce que j'aime, c'est vivre la nuit. Oui, mais avec des enfants? Ben ouais, c'est un problème. OK. des problèmes de la vie artistique, c'est ça? Mais c'est un problème actuellement, ça ne le sera plus bientôt. Mais j'aime la nuit, moi. J'aime le soir, j'aime la nuit. Si tu étais un autre individu? Un autre individu? Ah, c'est dur, ça. Ça, c'est très dur. Je crois que je n'aurais pas envie d'être quelqu'un d'autre. Ou alors, un super-héros? OK. Voilà, donc parfaitement irréaliste comme réponse. Mais c'est bien. Mais ouais. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? question aussi difficile parce que je dirais qu'à choisir, non, évidemment, j'aurais commencé la musique plus tôt. Enfin, à être dans cette voie artistique beaucoup plus tôt, c'est évident. Parce que là, j'ai l'impression de brûler la chandelle par les deux bouts parce que j'ai tellement envie maintenant. C'est une envie tellement forte. Ouais. Ben, écoute, on va t'écouter, je vais aller payer, on arrête les magnétos, on se déplace. Non, je te paye le verre, oui. Ensuite, on se déplace, tu m'attends ici, on se déplace et on va faire un mini-concert. Excellent. Merci, hein. Merci à toi. À tout à l'heure. Son prénom, Pedro, Pedro Cuyate. Il ne chante que sur des airs malinqués. Il a fait une partie de sa vie les nécessaires économies pour venir jusque-là, sans passer par Lampedusa. Prénom Pedro, Pedro Cuyate. Il ne joue que sur des rythmes malinqués. Il avait pris sous son aile quelques cordes, rayons de soleil, les vibrations de son ngoni. Les plus belles couleurs du Mali. Non, mais c'est pas facile. Ouais, en fait, c'est pour ça que c'est difficile. On m'a demandé de simplifier l'accompagnement, mais j'ai encore du mal. Ok, mais c'est très complexe. Parce qu'en effet, tu vois, il faut ça, vraiment. Ça, c'est très beau ce point-là. Ce bout-là, c'est excellent. Ouais, sauf que j'ai un peu raté. C'est difficile parce que je fais plein de trucs différents. À plusieurs endroits du manche, on m'a expliqué que en m'accompagnant moi-même, il faudrait peut-être que je simplifie, mais j'ai beaucoup de mal. Okay. Parce que je me sens, je pense, voilà, j'avoue là qu'en plus j'ai beaucoup travaillé les répertoires des autres, donc moins travaillé sur mon répertoire à moi, mais c'est là où tu vois l'intérêt de jouer quotidiennement ces morceaux en fait. Oui. C'est, ça doit être quotidien. Oui, pour jamais oublier. Ben pour, non, puis. Pour toujours être... peaufiner aussi. Voilà. Voilà, donc ça c'est la chanson que j'ai écrite pour Pedro. Super, super. C'est à quel moment de ta création? Est-ce que c'est au début quand tu as décidé de... Pas du tout, en fait, c'est quand j'ai découvert Pedro. Donc, je pense que j'ai écrit cette chanson en 2014. Moi, j'ai commencé à écrire des chansons à 13 ans. Okay. Donc, c'est une chanson relativement récente, en fait, dans ma... Dans ton répertoire. Dans mon répertoire. Mais c'est celle qui a vraiment lancé cette envie d'exploration artistique et de... et d'en faire mon métier, quoi. Okay. J'ai senti que je tenais quelque chose, quelque chose. Avec cette chanson qui est extrêmement inspirée, en tout cas au niveau du jeu, de la manière dont Pedro lui-même joue. Mais on sent la sensibilité aussi, la sensibilité à travers la musique, à travers ta guitare, c'est beau, c'est beau. Mais voilà, alors c'est vrai qu'à un moment, on m'a dit, il faudrait que tu fasses un choix entre être guitariste et chanter tes chansons, etc. Mais je pense qu'en fait, il n'y a pas un choix à faire. Il y a beaucoup de travail à réaliser, en fait, pour que cet accompagnement... Là, j'avoue que je suis peut-être un petit peu rouillée. C'est très beau, c'est très beau. C'est très merci, beau. C'est gentil. Non, mais c'est vrai. La deuxième chanson. Ah, ben si tu veux une deuxième chanson, Comment tu vas en faire? Deux, trois? Je peux t'en faire deux, hein. Comme tu veux, ou trois, mais deux, c'est bien. Parfait, deux. Alors c'est une chanson, encore un autre portrait, parce qu'on va quand même, on va rester dans le portrait. Oui. Je pense que voilà, ça le définit bien. J'ai eu la chance de rencontrer une comédienne qui s'appelle Chantal Latsou. Et Chantal m'a fait l'amabilité de me recevoir en loge et d'écouter un certain nombre de mes chansons. Et j'ai été tellement touchée de cette générosité que pour lui faire plaisir, je me suis dit, tiens, je vais écrire une chanson pour rigoler. Que je vais lui dédier. Un hommage. Et il se trouve que c'est une chanson que les gens apprécient particulièrement et que j'aime aussi à partager avec le public. Voilà. Ah, et ça se promet. Et ça va se faire là-dessus. Et le titre? Chantal là-dessous. Ah, c'est le nom de la chanson. En fait, là, comme ici, là et dessous. Tiré dessous. Dessous, ok. Voilà. Ah, le jeu de mots, parfait, c'est bien. Là, je l'ai vu écrit, là. Tout le monde l'a vu textuellement. Chantal, qu'est-ce que tu fais là-dessous? On va bientôt sonner les trois coups. Une petite angoisse avant de monter sur scène. Si tu veux, je t'appelle Madame Sanchez. Chantal, t'inquiète surtout pas. Ils sont vraiment sympas les gens en face de toi. Ils sont tous venus pour t'applaudir. Ils ont tous une furieuse envie de rire. Ouh, ouh, ouh, ouh. Comment décrire ton plaisir quand l'heure sonne de rejouer pour ton public que j'en frissonne. Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh. Certains te comparent à Louis de Finesse. Je suppose que ce n'est pas pour tes fesses. Peut-être pour tes envolées lyriques, désordonnées et parfois. Bientôt sonner les trois coups. Hey, c'est un bel hommage. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.